Allô? Allô? Allô? Allô? Voilà, je faisais avec des sons sur leur dit et je sais plus. On a parlé dans le micro des oiseaux. Des oiseaux. C'est tout? Oui. Ouais. On fabrique une carte de sonore et on écoute le son qui des voitures de.